ouais, je lance. Bah ouais, bah on peut y aller là, hein. C'est bon, hein. C'est Pyongyang City Rockers numéro 298 avec ce soir, Jamo. Ouais, enchanté. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Et Stéphane, moi-même, ouais. Pour une heure de musique. Ça va être essentiellement de la zik ce soir, vu qu'on est encore super bonbons, des cadeaux. Ouais. Mais les meilleurs, comme chaque semaine. Ouais. Voilà. Pour ce Pyongyang City Rockers numéro 298, la Guinness coule à flot dans le hall de Radio Campus. Et les chips au ketchup. Ah, Tiok Faidar là. Et puis sinon, si vous avez plutôt envie d'aller dans un concert, vous pouvez encore vous précipiter. Peut-être il reste des places au Black Lab pour le warm-up du Hyperfest avec Sikovitol, Cancer Bats et Prowl. Ça commence maintenant, ou alors c'est commencé depuis une demi-heure, je sais plus, enfin j'en sais rien, mais de toute façon vous pouvez encore y aller. Maniez-vous. Et puis si vous voulez pas vous manier, restez tranquillement chez vous, dans votre bagnole, ou faire ce que vous voulez, ou en train de bricoler, faire la cuisine, en écoutant la radio, et ben vous restez ici sur Campus 106,6 pour Pyongyang City Rockers. Puisque j'ai parlé de Sikovitol, Cancer Bats, je ne les passe pas. Par contre, j'ai passé Prowl avec un de leurs titres qui date de l'année, je sais plus quoi, ouais, l'année dernière, je crois. Enfin bref, Death Forest par Prowl, qui vont jouer incessamment sous peu, et peut-être même avant au Black Lab. Les voici. Aussi. Mais là, pour ça, il va falloir avoir de la condition. Hein. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. Rester bien au chaud. Là. Discipline. Oui, et discipline, absolument. Ouais. Bah, moi, je vais vous passer le réparateur. Oh, ouais, encore ? Ouais. Mais t'arrêtes pas ? J'arrête. Bah, non, moi. T'en as déjà passé, non ? Ouais, je sais peut-être. Pas. Bon, je sais bref. Pas. Ma mémoire me fait défaut. Même. Attends. Je t'en prie. Même pas un quart d'heure de sexe. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Il y en a, ils préfèrent comme ça. Hein. Ouais. Moi, je juge pas. Moi, je vais passer amoureux de ta femme. Bien. Ouais. Par le réparateur. Le réparateur. Encore un truc qui dure super longtemps, une 34. Merci. Ouais. Hein. Ouais, je vais avoir beaucoup de boulot ce soir, je crois. Ouais. Le réparateur. Ouais. We'll be right back. известно, что чем цивилизованнее государство, чем выше его интеллектуальный и духовный потенциал, тем выше осознается в обществе ценность человеческой жизни. Cinq styles différents en ce titre. Les paroles, ça fait explosion et sourire, blessure délicieuse. Je l'ai embrassé et les restes traînent autour. Objets interdits mélangés à de la chair, parler fort et briller de mille feux. Le groupe, c'est des Russes, il s'appelle John Malkovich, c'est le nom du groupe. Le titre, c'est Poulitze Broditzver, dans la rue rôde une bête. Et c'est un titre qui était sorti sur la compile Punks Against War, volume 3, qui est sorti en début d'année, là, sur je sais plus quel label, Black Square, que d'ailleurs on peut toujours trouver sur Bandcamp dans un coin, Punks Against War, Punks avec un X, youpi, et donc le groupe c'est John Malkovich, mais vous cherchez avec des, enfin en caractère cyrillique, hein. Faut pas rigoler non plus. Ah ouais. Voilà. Empires have no borders, they have fronts. Les empires n'ont pas de frontières, ils ont des fronts. C'est le titre du nouvel album des Stéphanois de Zero Gain. Il contient 11 chansons punk rock bien politisées comme il faut. C'est sorti il y a un moment chez Bad Health, Transophobia, La tête dans le guidon, Senseless Acts of Anger et 19 Something. Enfin, leur filiale, 20 Something. Bref. Donc, dans le titre The Enemy Within, ça cause de la meilleure manière de tenir un pays et de manipuler une population, à savoir créer la menace d'un ennemi intérieur. On en a l'illustration tous les jours dans ce havre de démocratie qu'est la France, avec encore hier un exemple d'un gamin qui se prend une balle dans la tête comme ça, pour rien, pour le plaisir d'un débile en uniforme. Zero Gain avec The Enemy Within, l'ennemi intérieur. We'll be right back. plutôt bien, hein. Alors, bah, c'est si c'était bien, bah, vous allez essayer de vous le procurer. Et comment on fait pour se procurer? Bah, soit on va chercher chez 19-something, là. Ouais. Ça se vend directement via leur Bandcamp. Et puis, je sais plus, ils ont un Big Cartel aussi. C'est. Pfff. Le moderne, business numérique, ouais, c'est digital, tu vois, ça se fait avec les doigts. Et puis sinon, et dans le coin, ça se trouve chez Lucan Distro. Donc surveillez bien sa table quand il distribue ses zines, ses brochures, genre au CCL et puis ailleurs. Il y a aussi quelques vinyles, dont ceux de Zero Gain. Ouais. Ouais, ben on va. On va continuer sur les borders. Oui. Ouais, mais cette fois-ci en Irlande. Ah, c'est bizarre. Pourquoi tu passes des trucs irlandais tout à coup? Bah, maintenant, je me suis dit, on peut faire une minute irlandaise. Hein. Ouais, vas-y, je t'en prie. Même alors, c'est Londonderry par les Bug Savage. Et alors, Londonderry, c'est là où il y a eu le Bloody Sunday le 30 janvier 72. Ouais. Ouais. Je m'en souviens. Enfin, non, je m'en souviens pas, mais je l'ai lu. Ouais. Donc, et, bah... c'est un des trucs qui ont amené à une recrudescence de la guerre entre Irlande et États-Unis. Et Royaume-Uni. Royaume-Uni, n'importe quoi. Ouais, donc là, on va écouter Bug Savage avec Londonderry. Ouais, Londonderry, ouais, apostrophe S. Parce qu'en fait, le vrai nom, c'est Derry. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, je was back home in Derry. Ouais, voilà. Voilà. Et quand t'es pro-anglais, tu dis Londonderry, mais tout de suite, c'est moins bien. Hein. Ouais. Est-ce qu'on dit Dublin-London? Dublin-London. Ouais. Bah... un jour, ça arrivera. Londonderry par Box of Ages. Come out, you pretty sons, come out and fight without your guns. Show us how you won your medals up in Derry. When you murdered 14 men and you'll do the same again. Get on out of here and take your English border. In the summer 69, with your smiling face you came. Then show us all your pacifying tactics. Well, your true face soon came true and your flag red, white and blue. Show us all the black and tans, we're back in Ireland. Of your fists we've had our fill, and we know you always will. Find excuses for that murdering of Irishmen. We'll fight for our proud land, telling you it's here we stand. From England we'll take back our lovely island. Come out, you British sons, come out and fight without your guns. Show us how you won your medals up in Derry. When you murdered 14 men and you'll do the same again. Get on out of here and take your English border. Your trial in Coleraine, sure we know you weren't to blame. But likewise neither were the hands of Hitler. But don't fret for those you slew, cause the judge was British too. And we all know the English are impartial. Come out, you British sons, come out and fight without your guns. Show us how you won your medals up in Derry. When you murdered 14 men and you'll do the same again. Get on out of here and take your English border. To drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When the night is early, she's drinking out of a glass, as the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. She's high, when she's low, ain't no middle ground, just passed out on the floor. When she wakes in the morning, all she wants is more. My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer and scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. Early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey, my girl likes to drink wine, my girl likes to drink beer or scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. C'était qui? C'était Tim Time Bomb avec... c'est quoi? C'est Drunk All The Time? She's Drunk All The Time. Bah ouais. Enfin, t'aurais quand même pu passer le dernier Rancid. Bah ouais, mais c'est pas fini. Hein. Peut-être qu'on aura une surprise. Il est 20h20 à l'antenne de Campus, 106,6, et vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 298 avec ce soir Jamou, Stéphane. Voilà. Ben, tiens, oui, alors, ça y est, elle est sortie, la première démo de Mere Mortals, qui peut-être un jour deviendra EP en vinyle. Ouais, Mere Mortals, groupe du coin, là, autour de Lille, merde, je sais plus quel bled ils sont, enfin bref, de Lille, voilà. Quoi. La Corée du Nord. Ouais, la Corée du Nord, et qui, en plus de ça, nous régale avec un bon vieux hardcore punk, des fois avec des petits trucs métal, mais quand même, ça reste bien hardcore comme il faut. Ouais. D'ailleurs, ils sont en recherche de concerts, donc si vous avez de la place dans vos listes, ils cherchent activement des concerts. Je ne passe l'information. Hein. Peut-être un jour, on pourra aller voir, je ne sais pas, ou CCL, ou Pits, va savoir. Ouais. Ou Black Lab, hein. Avec Psychovitol. Non. Là, c'est trop tard, Psychovitol. Et en plus, tout à l'heure, je vais passer à un groupe new-yorkais, mais ce ne sera pas Psychovitol. Non. Voici donc Mere Mortals avec Aversion, qu'on peut retrouver sur leur Bandcamp là. Et puis ensuite il y aura autre chose, mais pour l'instant Mere Mortals. I dislike when you're next to me. I adore my surrounding. Crowded faces make me sick. Walking the streets every dog I read. Brainwashed people who can always say that's another meaning, big fucking day. In the stinky subway, itch your eyes, I'm gasping for air. Crowded places, make me sick. Walking the streets every goddamn week. Brainwashed people looking all the same. That's not the meaning, be fine to take. I don't want nobody, nobody next to me. I don't want nobody, nobody next to me. Yeah. Voilà, l'autre truc c'était Totalitaire. Et donc après la version de Mere Mortals, c'était C'était bien fumé. Hein? Ouais. C'était l'oppression par Totalitaire d'Inter Sama Fortruc. Toujours la même oppression. Hein, ouais, ça date je sais plus. Ouais, au temps où on faisait un son bien fumé avec des micros qui étaient reculés à 25 mètres pour bien choper le son ambiance. Et voilà. Excellent. Mais, et quand même, Totalitaire, c'est bien. Tu connais le président Routine? Mais alors, je sais avec pas. R. Avec un R. Oui. Est-ce qu'il doit peut-être être moins connu que celui avec un P? Ouais, mais bon, peut-être qu'il va gagner à être connu. Ah. Je vous lis Auditrice 7h, je vous lis les deux trois phrases de présentation par le label. Premier album pour ce one man band, voire duo de Nancy, formé par un membre de Dirt to Dust et un ex Diego Palavas. Excellent punk rock à boîte à rythme avec de bons textes entre Ludwig von 88 et Varum Joe. Bon, alors moi j'entends pas trop Varum Joe. Pour le côté Ludwig, ouais, d'accord, ok. Par exemple, dans ce titre éco-facho, au pluriel, éco-facho, qui démontre que le parolier maîtrise à merveille l'art du contre-pied et les éléments de langage médiatique permettant de faire passer dans l'opinion des expressions idiotes comme éco-terrorisme. Ceci posé, je suis sûr qu'il y en a qui vont prendre tout ceci au premier degré et foncer à deux pieds dedans en disant vraiment quelle bande de salauds, c'est les droitards, soin. C'est donc le président Routine, avec d'ailleurs, faut voir la pochette, hein, tu vois, un mec avec un uniforme, des lunettes de soleil, enfin tout comme il faut. Ouais. C'est sorti chez Canal Hystérique, c'est dispo en CD sur la distro de Canal Hystérique, c'est-à-dire sucettedistro.com. Et le titre, donc, c'est Éco-Facho par, ça y est, je l'ai perdu, par président Routine. Ouais, il arrive. Je ne voudrais pas que ces actions se transforment demain en une forme de djihadisme vert. Je pèse mes mots. Christ, le confesso. Par Arsou, la dernière, une des c'est dernières bien. Sensations lilloises. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais. Une démo, 4 titres, toujours disponible un peu partout. Peut-être plus en cassette, parce que, mais à mon avis, ça va être refait. Ouais. Et un deuxième ou troisième service d'ici peu. Arsou, A-R-S-O-U. Ça se trouve aussi sur Bandcamp, comme d'hab. Alors, puisque je t'ai mis au défi. Ah ouais, bah moi, du coup, je vais vous passer une chanson du nouvel album de Rancid. Bravo. Tomorrow Never Come, c'est le nom de l'album. Bien. Et la chanson, c'est Prisoner's Song. Tu veux dire que c'est le jour de la marmotte, c'est ça? Ah non, pas toujours ce jour de la marmotte. Si, Tomorrow Never Comes. Ouais, bah ouais. fête de la marmotte. Oui. Bon, ben, on écoute la fête de la marmotte. Et du coup, on est prisonnier. Bah ouais. Ouais, prisonnier. C'est la chanson du prisonnier. Ouais, merci. Ouais. Cause I have a problem tonight. Cold breeze in a storm, an electric night. Shut down the city, cause I do that for you. I can taste the bitter sting of the blues. Stop and pray for a while, for everything goes wrong. My heart goes out on blast for you. Will we sing the prisoner? Très bien, bon. C'était pour Gaël celle-là. Ouais, coucou Gaël, coucou, tu reviens. Gaël. Hein. Ouais, reviens, arrête tes conneries. Bientôt, merde. Bon. Et franchement, Rancid, ouais, il y a là-dedans, hein. Enfin, c'est, ouais. On dirait un truc qui était sur leur premier album, quoi. Ouais. Bon, peut-être avec un meilleur son, j'en sais rien, voilà, gna gna, enfin bref, ouais. Je m'en fous, laissez-moi rêver. voilà. Il est sorti aujourd'hui même sur La Vida es un Mousse, c'est le premier album de Spirito di Lupo, l'esprit du loup. Ils sont originaires de quelque part entre Milan et Bologne. Leur disque s'appelle Vedo la tua faccia nel giorno di pioggia, je vois ton visage les jours de pluie, hein, ouais, donc aujourd'hui je vois pas ton visage, ouais. Et le titre que je vous passe dès maintenant, c'est Spirito Selvaggio, l'esprit sauvage, par Spirito di Lupo. Les voici, les voilà sur Campus, dans 6,6 émission, sur le DAB+, City Rockers, DAB+, canal 7C, Youpi, wow. Ouais, bon. C'est Pyongyang City Rockers, numéro 298. Youpi, Spirito di Lupo. Yeah. bah c'était fini donc. Ah punaise, ça va vite tellement. Ils font un fade down avec. Ah ouais. Ça va, c'est dégueulasse. Ouais. Hein. Bon. À mon avis, ils sont négatifs ceux-là. Ouais. À tendance négative. Ouais. Ouais. Comme la souris déglinguée. Peut-être on devrait l'écouter. Et je parie que c'est ce que t'as préparé. Bah ouais. Ah oh, punaise, comment, on fait de la transmission. Comment on de amène le truc là. Trop bien. La souris. Ouais. En plus, j'avais jamais remarqué qu'il était aussi court. 1,40. 1,40, ça va pas ranger nos histoires, ça. Si, ça va, mais si, pas de problème. Après, je passe un truc super long. De 7 dire. Minutes progressif. Ouais, ouais, complètement prog. Allez. Allez. La souris. Ouais. Est-ce une tendance négative que d'avoir confiance en moi? Est-ce une tendance négative que d'avoir confiance en moi? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Toi qui voles, tu prends galore dans les chiottes à cœur du vent. Toi qui voles, fais ta façade dans la glace déformée. Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Comme tous les mauvais garçons, t'as un père qui est homme d'affaires. Ça te permet de faire le citron sans avoir trop de problèmes. Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance? Est-ce une tendance négative? Toi qui prends les fringalons dans les chiottes à garde-dents. Toi qui remets ta façade dans la glace déformée. Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Est-ce une tendance négative? Comme tous les mauvais garçons, t'as un père qui est homme d'affaires. Ça te permet de faire le tronc sans avoir trop de problèmes. Punk progressif. Ouais. False Prophets en 87, je dirais. Implosion, c'était en l'honneur des Richards qui savent pas quoi foutre de leur argent et de leur temps et de leur vie. Et voilà. Qui finissent, ils font la chandeleur au fond de l'eau. C'est des crêpes. Ouais, les crêpes. Bref, c'est pas bien. Maintenant, la sensation actuelle punk power pop. Lilloise et sud-américaine en même temps. Wow. Ouais. C'est qui? C'est Cabro Chico. Ils ont déjà joué ici, une fois en acoustique et une fois en électrique, dans les locaux de Radio Campus. On peut les voir, ils font des concerts tout partout, dans tous les bistrots, dans tous les endroits où on peut faire des concerts. Ils passent de temps en temps. Cabro Chico, C-A-B-R-O-C-H-I-C-O. D'ailleurs, ils ont aussi un Bandcamp sur lequel on peut trouver un album et quelques titres en plus. Voici. Alors, Cabro Chico, ça veut dire quoi? Enfant chèvre? Ouais. Un truc comme ça. Chico, enfant. Ouais. Cabro, Et il nous parle de cochon. Cerdos. Bon, donc voilà, c'est tout. Et puis, normalement, si vous traînez un petit peu dans les bistrots où ça joue de la musique, vous finissez par tomber dessus un jour ou l'autre. Cabro Chico. Voilà. pour aller avec l'enfant chèvre Cabro Chico. Juste à l'instant, c'était Puck, les Anversois, il me semble, qui nous faisait Bocken Palace, le palais des chèvres. Bah oui, c'était hein. Fort bien. Voilà, et d'ailleurs, c'est, je m'aperçois que là, j'avais pas encore passé un seul groupe belge de la soirée. C'est quand même dégueulasse, quoi. Ah ouais, puisqu'il en est ainsi, ben voilà un deuxième groupe belge, Baya Computer, plus ou moins en sommeil. En tout cas, ils ont sorti un clip et puis un titre qu'ils avaient préparé pour une compile qui n'est jamais sorti. Et donc là, c'est sorti sous forme de clip qu'on peut retrouver sur YouTube. Et le titre, c'est I Am John Dwyer. C'est en hommage à la fois au mec de The O.C.s et à The Fall. C'est un peu compliqué, il suffit d'aller le chercher ça. Baya Computer, I Am John Dwyer. C'est toutes nos promesses. Bah, en tout cas, alors on en fait une, c'est que la semaine prochaine, pour le 299e de Pyongyang Steel Rockers, on sera là. On sera là. Et ouais. On vous laisse avec 8-6 roues qui font toutes nos promesses. Et on vous laisse aussi avec les programmes de Radio Campus. Dans quelques minutes, voici Teeth Grinder avec l'ami JD. Et puis ensuite, il y aura B-Boy Bouillabaisse. Et puis ensuite, il y aura Camos et la bande. Normalement, si tout va bien. Et puis donc, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Continuez d'écouter les programmes de Radio Campus. Voilà. Cab. Ouais. J'en ai rien à battre, il n'y a que pour toi que je voudrais me battre. Nos secrètes zones d'ombre et nos angoisses profondes. Le temps passé face, c'est une erreur. Tu prends toute la place que j'ai dans le cœur. Le temps passé face, on verra bien. On ne sait jamais de quoi sera fait demain. Je me sens mort vidé à genoux. Et toi tu me dis que t'es fort comme un loup. Je traînais mon brouille avec le vent. Mais qui peut croire qu'il a